C'est pas les morts qui récoltent les bénéfices. J'suis comme une lame dans les boyaux d'un délateur. Qu'ils sachent que j'suis pas fait pour courber les chines. On n'apporte pas la lumière au royaume des aveugles. J'aurais voulu voir la fortune nous choisir. J'suis fatigué de jalouser la bourgeoisie. Y'a pas de lueur au bout de ce tunnel. Toutes nos histoires finissent par tourner aux funèbres. L'existence est une triste romancière. Je n'ai jamais su exploiter mon potentiel. J'emprunterai le sentier le plus infernal. Je suis un mec paumé au caractère incernable. Je fais avec l'hypocrisie de leur boniment. Je sais que la mort et le pouvoir sont de connivence. Que le chaos nous entraîne dans la guerre civile. Que l'on affronte l'oppresseur et sa perfidie. Lucifer a déjà passé la troisième. Le drapeau blanc s'est pris un missile de croisière. L'affrontement est une chose des plus ordinaires. L'argent est le plus puissant des sortilèges. Ce monde semble dépourvu de merveilles. Putain, ce que l'ironie du sort est perverse. Je ne sais même plus d'où mes cicatrices proviennent. Peut-être que ma plume est trop vieille. On cherche toujours quelqu'un à qui rejeter la faute. Même Jésus fut trahi par un apôtre. Chaque jour je défendrai ma propre bannière. Puis ils viendront exploser ma boîte crânienne. C'est pas les morts qui récoltent les bénéfices. J'suis comme une lame dans les boyaux d'un délateur. Qu'ils sachent que j'suis pas fait pour courber les chines. On n'apporte pas la lumière au royaume des aveugles. C'est pas les morts qui récoltent les bénéfices. J'suis comme une lame dans les boyaux d'un délateur. Qu'ils sachent que j'suis pas fait pour courber les chines. On n'apporte pas la lumière au royaume des aveugles. J'fais de la musique sans savoir ce que c'est qu'une clé de sol. J'me suis noyé pour revenir comme Euron Greyjoy. J'étanche ma soif mais mon cœur se déshydrate. J'en crèverai quand l'éternel le décidera. Qu'importe si le monde entier me méprise. La vérité n'est pas telle que les hommes l'écrivent. Ils disent que nos anciens sont de vieux séniles. Et que Samuel Colt était un génie. Rien ne peut nous sortir de la léthargie. Le pardon n'est qu'un colosse aux pieds d'argile. La fierté nous empêche de crier au secours. Les plus sanguinaires crèchent à Washington et Moscou. Le monstre réclame de la chair fraîche. Il n'en finit pas d'ensanglanter la terre-mère. En manque d'équilibre comme un alcoolique. Nous sommes responsables de notre agonie. C'est pas les morts qui récoltent les bénéfices. Je suis comme une lame dans les boyaux d'un délateur. Qu'ils sachent que je suis pas fait pour courber les chines. On n'apporte pas la lumière au royaume des aveugles. C'est pas les morts qui récoltent les bénéfices. Je suis comme une lame dans les boyaux d'un délateur. Qu'ils sachent que je suis pas fait pour courber les chines. On n'apporte pas la lumière au royaume des aveugles.